Shut up. Hey! Government Tissue en live à l'instant sur le 100 FM Lost in Space, et ce n'est encore pas fini pour les concerts car on va continuer et finir un très bon concert qu'on avait attaqué il y a quelques semaines. Rappelez-vous, c'était Pete Gervais qui était enregistré en Australie au Sydney Festival de 2012, et on va donc écouter maintenant la fin du concert. Allez, c'est parti, et comme je vous avais promis, c'était plus calme en deuxième partie d'émission.

Acres of useless beachfront, a bank of red earth dripping down. Death is now and now. Its eyes on everyone. sad circus by a trench of burning oil. People throw belongings, lifetime's earnings, amongst the scattered rubbish and suitcases on the sidewalk. Take palms and oranges, tangerine cheese, and eyes are crying for everything. River. one woman has revealed the secrets of this world. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive à Toulon, Lost in Space, votre rendez-vous rock et musique expérimentale. On a eu Pete Gervais à l'instant en live en 2012 à Sydney, au Sydney Festival, et l'aspect musique expérimentale, c'est donc maintenant dans Lost in Space avec un groupe allemand du début des années 70, de la période krautrock, Agitation Free. On aura ensuite Brain Eno, Egg, Can. Et pour finir, un très très vieux morceau des Pink Floyd qui s'appelle Echoes. Et la bonne période des Pink Floyd, pas celle de The Wall, celle d'avant, beaucoup plus psychédélique et expérimentale. Allez, go! Thank you. choice between the Papa Negro Boat or Johnny. Vous accabler de chiffres. Réduire la dette grecque de 12 points de PIB. La dette de la Grèce, c'est 350 milliards d'euros. Le PIB de la Grèce est de 230 milliards d'euros. La Grèce a 160% de son PIB en dette. 160% du PIB. 2% du PIB de la zone euro. Je crois que c'est 30 milliards. mother, woman screams, I am fertile, and the father can't yell. Brain direction down its dirty mind creates a pit that ends in river. And you keep remembering, mother screaming, I am mother, woman screaming, I am fertile, and the father, he hasn't been born yet, he hasn't been born yet. All has been forgotten and the plastic turns to rotten rays and smells. Ballpoint as they're waiting at the father. Oui, parce qu'il y a aussi une autre question, mais je ne veux pas vous accabler de chiffres. Entre 3,5 et 4, en fonction de l'évolution du marché, de 4,5% sur 30 ans. La moyenne, c'est des taux de 4,5% sur les 10 prochaines années, 4% sur les 5 premières années, enfin 135 milliards d'euros de financement à 30 ans. Il y a eu 7 heures de discussion, on a eu une 10 heures de discussion. Dagens förvärv. Då kommer natten. Da da da da da da da da. När du kommer ska jag sitta här och ta allt som du gäller. Och när du går vet jag att du snart är här igen. Se staden lyser i alla regnbågens färger. Se staden lyser. Dabbe dabbe dabbe dabbe. Se alla människor som gråter, skrattar och lider. Här kommer natten. Dabbe dabbe dabbe dabbe. När du kommer ska jag sitta här och ta allt som du gäller. Och när du går vet jag att du såg det här igen. Thank you. Thank you. right.